الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تعالى اليوم سنكمل هذه القراءة المختصرة المفيدة من هذه الرسالة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفها خير الجزاء. Donc aujourd'hui, inchallah, on va finir cette lecture. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis le PDF alhamdoulilah sur la chaîne pour les arabophones. Après me l'a envoyé, j'étais là au khayran. Je pensais pas qu'elle était disponible ou qu'il était disponible, et on me l'a envoyé aujourd'hui. Donc ceux qui veulent bien lire ce que l'auteur a dit exactement, parce que c'est vrai que des fois, comme moi, je parle sur les commentaires, des fois les gens n'arrivent pas à distinguer qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui est de l'auteur. Je m'en excuse. Et en tout cas, pour les arabophones, biznillah ta'ala, de profiter de cette risala. Elle est courte, elle est facile, et elle est riche en enseignement. Donc hier, on s'est arrêté dans le 8e chapitre, qui était le hukm bil-ihtifal, le jugement lui-même de la célébration. Donc je m'étais arrêté avant d'arriver à une fatwa de Cheikh Othaymin qui parle du jugement, du fait de les féliciter pour leur fête. Vous savez ce qu'il en est, de leur souhaiter de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année, ou les autres, même les autres fêtes, hein, leur anniversaire ou ce qui s'ensuit, tout cela. Donc il a été interrogé Cheikh Othaymin par rapport à ces félicitations des koufars pour leur fête. Elle, en fait, la question, en fait, elle concerne vraiment Noël. Mais le jugement, il concerne les autres, il concerne toute forme de célébration qu'ils auraient, qui rentre dans le principe du Eid. Donc il dit, comment les féliciter, eux, les koufars, leur répondre quand eux nous félicitent. Est-il permis de se rendre dans les lieux où il y a leur célébration pour ces occasions-là? Et est-ce que la personne prend un péché si jamais elle fait... C'est-à-dire, elle se rend là-bas, et elle se met à leur répondre favorablement, sans en avoir eu l'intention préalable. Par exemple, quelqu'un qui fait ça par complaisance ou par gêne, pas parce qu'il a été mis dans l'embarras. D'accord? Ça arrive souvent, ça. Des fois, par exemple, tu es dans ton immeuble, tu descends, il y a ton voisin qui te voit, qui te dit bonne année, ou joyeux Noël, ou ce qui s'ensuit. Tu vois? Donc là, est-ce que tu as le droit de le répondre ou pas? Et est-ce que celui qui répond endosse un péché ou pas? Alors il dit, le shir, rahimahullah ta'ala, les féliciter pour leurs fêtes comme Noël et autres, leurs fêtes religieuses, cela est interdit par l'unanimité. Comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre « Ahkam al-Dhimma ». Il dit « Amma tahniya bi-shi'ari al-kuffar al-mukhtassa bihi fa-haram bil-ittifaq » مثل أن يهنئهم بأعياد صومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قالئه من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله عز وجل وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر أو قتل النفس أو ارتكاب الفرج الحرام ونحوه. Quant au fait de féliciter les koufars pour les rites étant représentatifs de leurs mécréances qui leur sont spécifiques, cela est interdit par l'unanimité. Comme le fait, par exemple, de les féliciter pour le jeûne qu'ils voudraient entreprendre dans leur religion. Ou de leur dire « Eid Mubarak ». Et « Tambi », on ne dit pas « Mabrouk ». En arabe, le mot « Mabrouk » ne veut pas dire ce que les gens s'imaginent. Ce qu'on dit, c'est Mubarak. Mabrouk, à la base, c'est l'ism maf'oul de Barikaya Barakou. C'est lorsque la chamelle s'agenouille. Donc attention lorsqu'on parle. Parce qu'en réalité, tu aurais été à l'époque des salafs, tu aurais dit Mabrouk, ils auraient fait des gros yeux. Qu'est-ce que tu me dis là? En gros. Donc on dit Mubarak. C'est ça le vrai terme. Mubarak. Et non pas Mabrouk. Parenthèse. Donc celui qui les félicite pour leur fête, il dit, si jamais celui-ci n'en devient pas mécréant pour ce qu'il a fait, alors il est au minimum tomber dans le péché. Car c'est une chose qui peut aller très très loin, qui peut être très très grave. Il a dit, car celui-ci est comme celui qui se mettrait à les féliciter pour s'être prosterné pour le crucifix, pour la croix. Et cela est pire auprès d'Allah Azzawajal que, par exemple, de le féliciter pour avoir bu de l'alcool ou avoir tué sans droit ou d'avoir commis l'acte sexuel avec une personne qui lui est interdite. Donc, il faut faire attention. Vous imaginez que le Cheikh Ibn Qayyim est en train de dire que féliciter les koufars pour leur fête basée sur le kouf de shirk, cela est pire auprès d'Allah Azzawajal que de les féliciter pour avoir commis un grand péché. Et il dit, وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَا قَدَرْ لِلْدِينَ عِنْدَهُ يَكَعْ فِي ذَلِكَ وَلَا يَدْرِي كُبْحْ مَا فَعَلْ فَمَنْ هَنَّأَ عَبَدًا بِمَعْصِيَةٍ وَبِدَعَةٍ وَكُفْرٍ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِمَقْتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسَخَتِهِ. Donc il dit, ça, ça arrive chez beaucoup de personnes parmi celles qui n'ont pas de respect pour la religion en réalité. Et ils ne réalisent même pas la laideur de l'acte qu'il a commis en faisant cela. Donc celui qui aura félicité une personne pour un péché ou pour une innovation ou pour une mécréance, s'est exposé à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, en résumé, ce que dit Ibn al-Qayyim par rapport à ce genre de comportement. Ensuite, apparemment, je ne sais pas si c'est le calem de Cheikh Al-Uthaymeen ou de l'auteur, parce qu'il n'y a pas de séparation. Là, le calem de Ibn al-Qayyim, il est fini. Après, ça repart. Mais je ne sais pas si c'est la suite de la fatwa de Cheikh Al-Uthaymeen ou si c'est le calem de l'auteur, parce qu'il n'y a pas de ponctuation qui indique que le nocle, il est fini. Donc, Allah Alam. Il dit ici, mais eux nous félicitent pour leur fête, on ne leur répond pas. Car leurs fêtes sont à eux et non pas les, nôtres. Et ce sont des fêtes que Allah Azzawajal n'agrée pas. Car ce sont soit des fêtes innovées dans leur religion, ou soit alors des fêtes qui ont été qui étaient vraiment légiférés auparavant, mais qui ont été abrogés par la suite par l'islam. Et Allah Azzawajal a envoyé Mohammed pour tous les hommes. Ça veut dire que l'islam est venu abroger toutes les religions précédentes, parmi les religions qui ont été révélées. Yaqul Allah Azzawajal, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherche une autre religion que celle de l'islam, cela ne sera pas accepté auprès de lui et sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc, en répondant à ces, on va dire, le fait qu'il te félicite pour son aide à lui, et toi tu réponds, c'est une forme d'approbation. C'est comme si tu le confortes dans son égarement. Donc, c'est une trahison de ta part, mais que toi tu sais qu'il est sur le faux. Et il dit que répondre à leur invitation pour ces occasions, c'est-à-dire que le muslim soit invité par ces gens-là pour ces occasions-là, il ne doit pas y répondre, cela est interdit. Et il dit car cela, venir et s'y rendre est pire encore que les féliciter pour cette occasion-là. C'est-à-dire là, vraiment, tu viens, t'es présent. C'est-à-dire ça, c'est une des plus grandes formes d'approbation. Tout comme il est interdit aux muslimines de leur ressembler en faisant eux-mêmes des célébrations pour cette occasion, d'échanger des cadeaux, de distribuer des friandises et des crueries, ce qui s'ensuit, ou de faire préparer des mets spécifiques pour cette occasion, ou alors de prendre des congés et tout cela. Car le Nabi Sarsam, il a dit, Man tashabbaha bikum min fawminhum, celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Et vous savez, et vous le voyez en France, quand les fêtes arrivent, vous voyez les boulangeries des muslimines, ou les commerces des muslimines remplis de décorations. Ça, ce n'est pas permis. D'accord? Ce genre de comportement, ça rentre dans la ressemblance avec eux. Et comme on l'expliquait là à l'instant, pour ceux qui ont compris les paroles, qui sont claires, cela, c'est comme si tu leur disais, on est avec vous. Et les gens vont dire, non, on fait ça que pour le commerce, sinon les clients, ils ne viennent pas. Et donc tu fais ça pour la dounia, en fait. C'est-à-dire, tu vends ton dîn, et tu confirmes, et tu approuves le coufre et le faux, pour avoir des clients. Donc c'est quoi que tu as fait à ce moment-là ? Tu as fait prédominer ta dounia sur ta religion. En fait, t'as vendu ta religion pour avoir de l'argent, pour avoir des clients, en fait. Et le miskin, ce qui s'est passé, c'est que cet argent-là, il y aura même pas de baraka dedans. Parce que c'est un argent qui est basé sur une chose commis par une base interdite. Il y a même pas de baraka dans cet argent-là. Subhanallah. Par contre, t'as l'avantage, c'est que, on te dit qu'en islam, il n'y a pas de congé en ce moment-là. Donc, travaille. Tu peux ouvrir ta boulangerie, tu ouvres ton restaurant, ton commerce, mais tu n'y mets pas des décorations de Noël ou des décorations des fêtes des fins d'année. Ça, ce n'est pas permis. Ensuite, il cita une parole de Shir al-Islam sur le fait de manger leur nourriture pour ces occasions-là. Il est interrogé Shir al-Islam, « Amma yaf'al min al-muslimin, misl al-ta'am al-nasara, fi Nayrouz, wa yaf'al sa'il al-mawasim, مثل الغطاس والميلاد وخميس العدس والسبت النور ومن يبيعهم شيئا ويستعين به على أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئا من ذلك. Donc il a été interrogé sur les musulmans qui confectionnent des mets, qui font des nourritures spécialement pour l'occasion lors des fêtes des Al-Kitab. Après, si tu as différents plats qu'on ne connaît pas aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi leur équivalent. Donc, est-ce que il aurait permis de faire cela, de confectionner ces plats, ou même de vendre des choses permettant aux koufars, justement, de célébrer leur fête? Alors, il a répondu, Cheikh l'Islam, Alhamdulillah, لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم. ولا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاظ نيران ولا تعطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك. Qu'il a dit, il n'est pas permis aux musulmans de leur ressembler en quoi que ce soit dans ce qui leur est spécifique à travers leur fête. Ni en nourriture, ni en vêtements, ni en nettoyage, le fait de se laver, et ni en allumant des feux. Et ça, quand on dit allumer des feux, à notre époque, ça va être plutôt des luminaires, vous savez, tout ce qui est guirlandes, ce genre de choses. Maintenant, les gens n'allument plus des feux dans les rues, ça c'était avant. Maintenant, il y a des moyens modernes, mais ça revient au même fonctionnement. Et ni également en délaissant les coutumes, c'est-à-dire pour cette occasion-là, les musulmans ne font plus ce qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien. Ils s'arrêtent, c'est-à-dire c'est comme un congé de travail ou voilà, ils sortent de leur habitude pour pouvoir suivre l'ambiance. ولا يحل في الوليمة ولا إهداء ولا بيع ما يستعان به على ذلك لأجل ذلك. Donc, il n'aurait pas permis également de faire de repas ni de faire des cadeaux. Ni de vendre quoi que ce soit qui permette de pouvoir célébrer ces fêtes. ولا تمكين السبيان ونحوهم من اللعب الذي هو في أعياد ولا إظهار زينة. Et qui n'est pas permis également de permettre aux enfants d'aller jouer justement pour ces, c'est-à-dire de profiter des loisirs, des distractions pour ces fêtes-là, et ni de faire apparaître quoi que ce soit comme parure qui s'y rapporte. Parce que les enfants, des fois, les gens vont dire, non, mais nous, on n'y fait pas, mais c'est pour les enfants, pour qu'ils s'amusent, les voisins, ils les ont invités pour Noël, ainsi de suite. Non, ça, c'est pas permis, pareil. Ou t'habites ton enfant comme un Père Noël. Ça, c'est vraiment de l'ordre du ridicule. Ou comme on disait dans les autres audios, Halloween, par exemple, ça rentre dedans. Donc, à ce moment-là, tu penses que t'es une rahma pour ton enfant? Tu es en train de détruire ton enfance en cela. Tu ne l'aides pas du tout. Tu n'aides pas du tout en permettant ton enfant parce que plus tard il sera habitué à ça et un jour il va entendre le hack, ce sera difficile pour lui de l'admettre. Alors que si depuis petit tu lui expliques gentiment, quitte à ce que tu fasses autre chose pour faire diversion pour qu'il ne soit pas attiré par ce qu'eux ils font, à toi d'être intelligent, de trouver une façon que l'enfant ne soit pas attiré par ce qu'eux ils font, alors fais-le. Mais ne laisse pas ton enfant participer à cela. فالذي dit وبالجملة jumla laysa lahum an yahtassu bi an yahtassu a'yadahum bi shay'in min sha'irihim bal yakunu yawm 'eedihim 'inda al-muslimin ka sa'ir al-ayyam la yakhussu al-muslimuna bi shay'in min khasa'isihim. Donc de façon générale, les musulmans n'ont rien à faire de particulier vis-à-vis de leur fête, c'est-à-dire que c'est un jour pour eux commun. Lorsque les koufars font leur fête, pour les musulmans, c'est un jour comme les autres. Il y a pas de différence et il n'y a rien à faire de particulier en cette occasion-là. Et il cita que قال بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر وقال طائفة منهم من ذبح نطيح يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا. Il a dit, là c'est Cheikh l'Islam, qu'un groupe parmi les savants sont partis à juger comme de la mécréance celui qui fait cela. Car cela amène à glorifier leurs emblèmes du kufr. Et certains d'entre eux ont dit que celui qui égorge pour cette occasion, c'est comme s'il avait égorgé du porc. Un porc. Wal'azubillah. Donc vous voyez autour de vous qu'est-ce qui se passe par rapport aux gens de la masse, principalement en France, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on est en train de dire là, ils le font. Et quand vous allez les voir pour leur expliquer, la plupart d'entre eux vont refuser. La plupart d'entre eux vont refuser, vous dites vous êtes trop dur, vous en faites trop, c'est à cause de vous qu'on peut pas s'intégrer, nous on veut vivre comme tout le monde, et ainsi de suite. Alors que l'islam t'apprend à ne pas vivre comme le kafir, toi tu dis je vais vivre comme tout le monde. Donc en fait, c'est comme si Allah t'avait donné un honneur et que toi tu n'en voulais pas en fait. Allah t'a élevé, tu dis non, moi je vais te battre, je vais me rabaisser avec eux, je vais te vil avec eux. Donc ce qu'il faut craindre, c'est que si jamais tu veux vivre comme eux avec eux, bah tu risques de finir comme eux à la fin de ta vie, après la mort, avec eux également. Jusqu'au bout. Si toi t'es avec eux, soit t'es contre eux. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Donc si jamais t'es contre eux, tu l'es jusqu'au bout, et même dans ce genre de situation, tu n'es pas avec eux. Voire même, c'est dans ce genre de situation-là que tu dois encore plus montrer que tu n'es pas avec eux. Plus que dans les autres occasions qui sont, elles, de l'ordre du quotidien. Ces occasions, elles, qui sont des choses qui sortent de l'ordinaire, leurs fêtes et autres, c'est à ce moment-là que tu dois être encore plus distinct. Et encore plus montrer ton islam. Car c'est d'arwa, tu lui montres que ce qu'il fait, tu n'es pas d'accord, ça ne te concerne pas, et voire même, ça ne convient pas. Cela est faux. Et vous verrez, vous inquiétez pas, Allah ne nous a pas qu'à l'œuvre de guider les gens. Nous, on leur explique, celui qui guide, c'est Allah Azzawajal, et celui qui a un peu de jugeote parmi les koufars ou quoi, il demandera pourquoi, c'est quoi la chose qui fasse que tu n'acceptes pas. Moi, j'ai déjà été amené à parler avec un kafir, et parler franchement avec lui. C'est quelqu'un qui était ouvert. J'ai parlé franchement. Je crois que dans toute ma vie, j'ai pas parlé qu'un kafir comme j'ai parlé avec lui. Et lui-même, je lui disais, quand tu comprends nos bases, notre religion, il a dit, en comprenant tes bases et ce que tu me dis là, j'arrive à comprendre ce raisonnement-là. Il me dit, c'est logique. Tu vois. Il dit, je suis pas musulman, mais c'est vrai que si l'islam appelle ce que tu dis, quand je lui parle du tawhid, ou al-bara, il a dit, c'est logique que les musulmans ne fassent pas les telles choses. Et vous savez, les koufars, lorsqu'ils ont compris l'islam, ce sont ceux qui disent les vérités les plus amères à entendre pour les musulmans. Rien qu'aujourd'hui, un frère m'a fait partager un audio d'un homme, je sais pas comment il s'appelle, c'est un homme d'extrême droite, qui a eu une interview il y a pas longtemps, dans lequel il critique les musulmans qui restent en Occident, qui disent qu'ils défendent la Palestine, et pourtant qui vivent avec le système occidental. Il dit, ce que vous faites, c'est complètement contradictoire. Et il a fait l'éloge des salafis qui ont fait la hijra. Il dit, ça, ce sont des gens qui ont appliqué leur religion. Pour lui, c'est crédible. Donc, il dit, eux, ces gens-là peuvent se permettre de critiquer, mais vous qui êtes encore en Occident, avec vos iPhone, avec vos Nike, avec vos machins, il a dit comme ça, il a dit les TN, tout ça, là. Il a dit, vous êtes pas crédible dans ce que vous dites. Vous allez monter ce système. Donc, vous n'avez pas le droit de parler de vous et de vouloir vous plaindre pour la Palestine. Vous êtes les gens vous donnez des provisions à vos ennemis. Enfin, il n'a pas dit le mot ennemi. Dans le sens qu'avec votre consommation, et votre résidence dans ces pays-là, vous contribuez à gonfler leur économie par laquelle, justement, ils achètent leurs armes pour pouvoir tuer vos co-religionnaires. En gros, il a parlé comme ça. C'est un calème, je me dis, un muslim, il écoute parler, il peut que baisser la tête. Il peut que baisser la tête. Cet homme-là, attention, c'est un kafir, je ne le défends pas, mais voilà, les koufars, quand ils parlent de dîn, qu'ils ont compris, quand ils vous parlent de démocratie, quand ils vous parlent des élections, quand ils vous parlent même des kafirs qui vous parlent du voile pour les sœurs, ils ont des fois des paroles tellement fortes, tellement vraies, que le muslim, il peut rien dire. Il peut que baisser la tête. Et arrêter les oui mais. Il n'y a pas de oui mais, il t'a dit la vérité à ce moment-là. Il a dit la vérité. Lui-même, ce café, il disait, si moi, demain, je trouve un pays avec des bases catholiques qui appliquent comme ça, il dit, j'y vais tout de suite. Mais il n'y en a pas. Il dit, alors que vous, les muslims, vous avez des pays avec vos bases. Pourquoi vous n'y allez pas, il dit. Et il a bien dit, en plus, c'est ça qui m'a vraiment, c'est une phrase que j'avais dit auparavant, il dit, c'est vous les vrais islamophobes, en fait. Vous n'aimez pas l'islam, en fait. Vous n'aimez pas l'islam, c'est vous les islamophobes. Vous avez tout pour faire votre religion, vous voulez pas le faire. Donc c'est vous les islamophobes. Et quand j'ai entendu ça, je fais, mais lui, il est intelligent. Qu'elle a le guide. Alors on espère qu'elle a le guide pour ce genre de paroles-là. Et il se peut que je mette l'extrait audio sur ma chaîne. Bon, des fois, il est un peu vulgaire, un peu grossier, j'aime pas trop ce genre de langage. Mais voilà. Il a dit en quelques minutes ce que des gens se mentent eux-mêmes depuis des années. Il a dit en quelques minutes ce que des musulmans tentent de se cacher à eux-mêmes, se mentir eux-mêmes depuis des années. Et tu ne peux que acquiescer et dire c'est vrai, il a raison. Il a raison. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le shaitan avait appris à Abu Huraira à être le coursi, il a dit Sadaqaka wa wakazoub. Il t'a dit la vérité alors que c'est un grand menteur. Le kafir, c'est un menteur de base. Mais là, il t'a dit une parole vraie. Et combien de fois on a entendu des paroles vraies de Koufar? Même Eric Zemmour, même Marine Le Pen, combien de fois ils ont dit des paroles contre les muslimines? Ils les ont mis au pied du mur. Et tu peux rien répondre. Tu ne peux rien répondre. Tu ne peux rien dire. T'as la rage parce que tu les détestes. Tu sais que c'est, à la base, ils veulent pas trop bien quand ils disent ça. C'est pas une nasiha qu'ils te font. C'est pour te faire taire. Mais, il a dit le haq. Et à ce moment-là, bah, en tant que musulman qui défend la vérité et qui sent cette modeste accepter de n'importe qui, tu ne peux que baisser la tête, avaler ta salive et te demander pardon à Allah Azzawajal. Et te le demander qui te raffermisse et qui te guide. Il n'y a que ça à faire dans ce moment-là. Voilà. Ah, ma réponse, ce serait de l'orgueil. L'orgueil. Malheureusement. Attendez, ça, c'est une parenthèse par rapport à lui. Mais, Inch'Allah, peut-être que je. Inch'Allah, peut-être qu'on mettra son audio pour que les gens entendent, à part ceux qui l'ont déjà entendu. Bismillah ta'ala. Après, il dit Hukm al-Hadaya fi Hadha al-Eid. Donc maintenant, c'est le jugement des cadeaux lors de ce Eid. Ici, c'est encore une parole de Shir al-Islam. Le fait que des muslimounes fassent des cadeaux lors de ces aïed qui sont hors des coutumes, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ils font un cadeau pour l'occasion de ce Eid. D'accord ? Un cadeau à l'occasion de ce Eid, alors on ne doit pas l'accepter. Surtout ce cadeau est une chose qui permet justement, qui contribue à ce que la personne tombe dans la ressemblance avec les koufars. Lui, il a donné l'exemple, par exemple, comme des bougies. Parce qu'à l'époque, vous savez, il mettait des bougies. Ben maintenant, par exemple, vendre des guirlandes, ou offrir des guirlandes, ou offrir des motifs qui représentent les fêtes de fin d'année. Et il s'est dit différentes choses qui n'existent plus à notre époque, mais qui représentent cela. Et après, l'auteur, il dit, ça rentre également dedans, les cartes. Toutes les cartes que l'on vend. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, vous savez, avec le graphisme, on fait plus des cartes vraiment en carton, c'est des cartes qui se font sur virtuel, avec les applications qu'on se voit par téléphone, ou autre. Par exemple, les graphistes, les frères qui travaillent graphistes, ils n'ont pas le droit de faire ce genre de choses. De faire des pancartes pour ça, de faire des annonces pour ça, ils n'ont pas le droit. Et il dit que de base, en dehors de leur fête, il est permis de manger la nourriture des gens du livre. Vous le savez, les gens du livre, et quand on parle de nourriture, on parle des sacrifices, bien sûr. En dehors des sacrifices, tous les légumes, le poisson, tout ça, c'est permis de tout le monde. Mais là, on parle des viandes. Car Allah Azawajal nous a rendu permis de consommer leur viande. Et que la nourriture des gens du livre vous est permise, c'est-à-dire leur sacrifice, à condition que, ce soit égorgé au nom d'Allah Azawajal. Ce n'est pas la simple viande d'un Nasrani, il vient de la viande, tu dis c'est bon, je peux manger, c'est halal. Non, il faut que ce soit une viande qui était égorgée au nom d'Allah Azawajal. Parce que t'en as, ils jouent avec ce genre de fatawa pour dire que la France est un pays qui t'a habillé, alors que c'est un pays, aujourd'hui, c'est un pays majoritairement athée, les koufars, les Français sont majoritairement athées, ou loin du catholicisme, ils égorgent pas leur viande, la viande n'est pas égorgée, et encore moins, le nom d'Allah, il est nommé dessus. Et t'en as, ils prennent ce genre de fatawa pour dire qu'on peut manger dans leur restaurant. Et ainsi de suite, on dit c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et vous savez, par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il en arrivait à mourir? Parce qu'on lui a offert de la viande, de la part d'une Yahoudi, qui est empoisonnée, il en est mort par la suite. Donc ça prouve qu'il est permis de manger de la nourriture. Et également, il est permis d'accepter leur cadeau. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en partant à la Razwa à Tabouk, un roi qui s'appelle Ayla avait offert au Nabi sallallahu alayhi wa sallam un mulet blanc. Wakada. Donc là, on va prendre le Fos et Tassir, dernier chapitre. Et ce chapitre-là, on va le lire brièvement, car en réalité, ça va être le sujet du prochain livre que je ferai après celui-ci, qui est Al-Wala wal-Bara, fil l'islam, qui est l'alliance des aveux en islam. Car c'est un sujet qu'on s'étale un peu plus dessus. Là, l'auteur ne cite que quelques versets, et en réalité, il faut en parler un peu plus. Ce livre, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est un livre qu'il faut répéter. Donc on le fera, c'est le livre de Shir al-Fawzan. Il est court. Et on le fera également par la suite, après celui-ci, Bismillah ta'ala. Pour rester dans la lignée du sujet de l'alliance des aveux, surtout en ces jours-ci où il y a les fêtes des koufars. Donc il dit, après l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire d'aimer les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir de l'animosité envers ses ennemis. Car cela fait partie des fondements de la croyance islamique qu'il est obligatoire à chaque musulman qui suit cette religion. Il doit s'allier aux gens de l'islam et s'opposer à ses ennemis. Il doit aimer les gens du tawhid et de la sincérité et s'allier à eux, et détester les gens du shirk et s'opposer à eux. Et telle est la religion de Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Et Allah Azawajal nous a incité à prendre son exemple. Comme il dit, Uswatun hasana fi Ibrahim wa lazina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-ghadawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Il a dit, vous avez certes un bon exemple en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous avons mécru en vous. Et la haine entre nous et vous a débuté à jamais lorsque vous croyez en Allah seul. Et au début du livre, rappelez-vous, on avait dit que ça veut dire quoi avoir la haine. Parce que déjà, ils aiment bien prendre ce genre de choses pour nous faire passer pour des terroristes, en fait. On dit, oui, on a la haine contre vous, mais nous, haine n'est pas synonyme d'injustice contrairement à vous. On ne vous aime pas. On ne vous aime pas, on ne s'allie pas à vous, mais on veut du bien parce qu'on s'appelle à l'islam. Et on ne vous fera pas de mal. C'est-à-dire, on ne va pas vous léser dans vos droits. Ce qui vous revient, vous sera donné. Contrairement à vous qui avez une haine contre nous, mais une haine tyrannique. Une haine mauvaise. Une haine méchante, c'est de la méchanceté. Vous nous haïssez et vous nous faites du mal. Ce n'est pas les musulmans qui vont faire des attaques dans les pays de Kufr, comme eux le font dans les pays d'islam. Et quand même, ce n'est pas eux qui le font directement, ils font en sorte que cela arrive. Vous savez, tout ce qui arrive dans les pays d'islam, c'est dans les années, ces décennies, c'est les koufars qui l'ont provoqué. Le printemps arabe, même la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, tous ces pays-là qui ont été ravagés par les guerres, même le Yémen avec les Houthis, avec les Rafidhans, ce sont les koufars qui alimentent tout cela. Ce sont eux qui font tout cela. Faut le savoir, ça. Et t'en as, ils le font clairement directement, et t'en as, ils le font par manipulation. Est-ce que les musulmans font cela? Ils ne font pas cela. Il y a parmi nous des égarés qui ont une exagération, qui en font trop, et qui sont partis commettre des actes répréhensibles comme les attentats terroristes. Et souvent, ces attentats terroristes, sachez-le, hein, c'est des manigances des koufars derrière. Très souvent. Ce sont des manigances venant des koufars derrière. Quoi qu'il en soit, ces gens-là qui font ce genre d'actes, déjà ce sont des faits nouveaux, qui datent depuis, on va dire, les années 60, 70, par là. Avant ça, il n'y avait pas d'actes terroristes affiliés à l'islam. Ce sont des faits nouveaux. Sinon, dans de cela, il n'y a pas d'agression gratuite de la venant de la part des musulmans envers les koufars. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Donc, notre haine à nous n'est pas synonyme d'injustice et d'oppression et de tyrannie contrairement à eux. D'accord? Taïeb. Il dit, cela fait partie de la religion de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le fait de se désavouer des gens du koufr. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dans ce sens où Allah, il a dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les Yahoud et les Nasara en alliés, car ils sont alliés les uns, certains avec d'autres. Et celui qui s'allie à eux parmi vous sera parti d'eux et Allah ne guide pas un peuple d'injustes. Donc vous voyez bien que les Nasara et les Yahoud s'allient. Mais dans quel but? Dans le but d'attaquer les gens d'islam. Sans quoi ils ne sont pas unis. Ils ne s'aiment pas. Les Nasara n'aiment pas les Yahoud et les Yahoud n'aiment pas les Nasara. Mais quand il faut attaquer l'islam, ils sont soudés. Ils sont soudés ensemble. Et donc ces versets sont venus pour montrer l'interdiction de l'alliance avec les gens du livre de façon particulière. Après, d'autres versets sont venus pour le désaveu des koufars de façon générale. Comme encore le Ta'ala, « Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a. » Ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi ainsi que le vôtre en allié. Donc là, ça montre bien que le kafir, c'est ton ennemi, et celui d'Allah, Azzawajal. Après, ils sont pas tous égaux. Certains sont pires que d'autres, ça c'est certain. Mais le kafir, de base, c'est ton ennemi. Sachez-le. Le kafir n'est pas ton ami. Et ça, on a déjà fait des réfutations par rapport à ça. Tu n'as pas d'ami koufar. Tu peux avoir un collègue de travail, tu peux avoir un camarade dans tes études, un partenaire dans un commerce ou quoi, mais le mot ami en soi, tu ne peux pas l'avoir pour un kafir. Ce n'est pas ton ami. Quand on voit c'est quoi le mot ami, ce que veut dire le mot ami, c'est une personne que tu aimes, que tu as de l'affection, à qui tu te confies, à qui tu t'entends bien. D'accord? Ainsi de suite. Quand tu sais c'est quoi un kafir, tu sais c'est quoi le tawhid, tu ne peux pas avoir un kafir en ami, ce n'est pas possible. Déjà, tu auras même dû avoir un musulman désobéissant comme ami. Un simple musulman qui n'obéit pas. Un innovateur, tu ne pourras pas l'avoir comme ami. Que dire d'un kafir qui est l'extrême opposé? Et il dit que Allah Azzawajal a interdit aux croyants justement de s'allier aux koufars quand bien même ils seraient des proches parents. Dans le sens où Allah dit, يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères ainsi que vos frères en tant que alliés s'ils ont préféré le kufr à la foi, et celui qui s'allie à eux, ce sont ceux-là les injustes. وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Que tu ne verras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre en affection, c'est-à-dire en allié, ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, quand bien même il s'agirait de leur père et de leur fils ou de leur frère ou de leur tribu, leur proche. Donc maintenant, on en a déjà parlé que l'amour se divise en plusieurs catégories, et parmi eux, il y a l'amour naturel, celui qu'on peut avoir pour des proches parents. Les versets ne concernent pas cet amour naturel, car c'est un amour qui est limité. C'est normal que tu aimes ta mère, c'est normal que tu aimes ton père, c'est normal que tu aimes ton frère, mais c'est un amour naturel. Mais cet amour-là ne t'amène pas à une alliance. D'accord ? Il est limite. Tout comme il sera impératif que tu préfères un musulman droit à ces gens-là. Tu préféreras un musulman droit à ces gens-là. C'est inévitable. Les frères, tes frères en religion, tes sœurs en religion, seront plus aimés auprès de toi que tes parents et tes proches, si amis sont des koufars qui ne sont pas dans la religion. Tu verras, toi, tu vas le ressentir. Quand tu es avec ta famille, que c'est des koufars, t'es pas bien. Quand tu es avec les frères et les sœurs et que ça parle de dîme de rappel, vous êtes bien. Donc c'est automatique, c'est normal, c'est inné. C'est comme ça. Et celui qui ne ressent pas ça, c'est qu'il a un problème dans sa akhida. Celui-là, c'est que le koufar, il se sent bien, et que les frères, ils ne sentent pas bien ou quoi, c'est qu'il a un gros, gros, gros problème. Il faut qu'il se remette en question, c'est très dangereux, ça. C'est une graine dans le cœur qui peut amener à faire pousser, par la suite, des plantes, mauvaises herbes, très dangereuses. Taïb. Donc là, il fait el-khatima, la conclusion. Donc après avoir cité tous ces hadiths-là, avec les paroles des gens de science, avec les hadiths-là, tout ce qui s'ensuit, il est impératif aux croyants de prendre garde à tomber dans ce genre de transgression. Car cela sera la cause de la perdition de beaucoup de muslimines et de leur déviance. Et cela parce qu'ils sont derrière, justement, les coutumes et le fait d'imiter les koufars. Et ce qui les empêche, finalement, qui fait entrave au fait qu'ils apprennent la religion. Et qu'ils tombent dans les choses interdites. Après, si t'as des causes qui ont mené à cela, certaines, elles sont très nombreuses. Parmi elles, قِلَةَ التَّقْوَى أَوْ إِنْدِعَامِهَا. Il est le peu de taqwa qu'il y a chez les gens, ou carrément qu'elle soit inexistante. Il n'y a pas de taqwa chez les gens. Ils craignent pas Allah Azzawajal. الْبَعْثَ عَنَ الْمَلَذَّاتِ وَإِفْرَى الْشَهَوَاتِ. Le fait de rechercher les plaisirs et d'assouvir ses désirs. Parce que ça les amuse, c'est un moment agréable, il y a des bonnes nourritures, c'est de la rigolade, il y a de la musique, il y a que des bonnes karat, et l'âme a un penchant pour les choses mauvaises, et eux, ils laissent libre cours à leur mauvais penchant. Makaïd el Kufar el Muslimin. Comme on l'avait dit au début du livre, les complots et manigances des Kufar envers les Muslimin, c'est-à-dire pour t'attirer, te donner envie de participer avec eux. Il dit al jahl bi ahkam ad-din mimma yaj'aluhum yadhunnun an al-amru hayyin. C'est-à-dire l'ignorance envers les règles de la religion, ce qui fait que les gens minimisent de ce mal. Il le sous-estime, il dit c'est pas grave, c'est rien, c'est juste une fête, comme on disait au début, c'est juste un moment de joie, c'est rien, on n'y croit pas au Père Noël, on croit pas à la naissance de Issa comme le font, on n'y croit pas, c'est juste un moment, c'est un du vivre ensemble, comme ils disent. Savoir vivre en société. Subhanallah. Et comme encore le Ta'ala, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَعِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vous le pensez que c'est une chose qui est faible, alors qu'auprès d'Allah, c'est une chose qui est immense. يقول ترويج وسائل الإعلام لهذه الاحتفالات. Et le fait que ce soit diffusé à grande échelle dans les médias, à travers les médias. Tu vois ça partout. Donc les gens, ça les influence. Le fait de voir une chose répandue peut la faire paraître comme étant anodine et normale, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mal est devenu normal pour beaucoup de gens. Parce qu'ils le voient partout. Des choses qu'avant, qui étaient cachées, qu'on ne voyait pas, aujourd'hui, c'est tellement mis en évidence que les gens trouvent ça normal. C'est normal. Et c'est ça l'éducation des koufars. Ils te banalisent le mal, ils te le rendent normal. Aussi, des choses que moi j'ajoute que lui ne dit pas, le fait de vivre avec eux. Le fait de vivre avec eux fait que ton cœur commence à pencher pour eux. Et c'est normal. Tu vas te fondre dans la masse. D'où le fait que Allah Azzawajal nous a imposé la hijra. C'est pour nous préserver. Parce qu'il sait qu'on va devenir comme eux au fur et à mesure. On va commencer à les aimer. Enfin, de vivre avec des gens, tu vas finir par les aimer. Malheureusement. Tu vas tenir un temps, tu auras un peu tu auras cette forme de bourde envers eux, et après, au bout d'un moment, tu vas baisser la garde. Tu vas te fatiguer. Tu dis, je suis fatigué tout le temps de devoir me retenir, me contenir. C'est bon, je me laisse aller au bout d'un moment. Une blague, deux blagues, trois blagues, jusqu'au jour, ça y est, c'est ton ami. Et jusqu'au jour, tu le défends même. Pas sur les koufars, non, dis pas koufar, je le connais, il est gentil et tout. Dis mon musulman, on sait jamais. Tu es subhanallah. Il y a également les do'at dans l'aile, les prédicateurs de l'égarement. Eux, ils ont une grande part. Ceux qui vous font croire que cela est permis, cela est possible, et que cela est de la sagesse et de la tolérance. Comme par exemple, j'avais écouté un audio de Souleymane de Vincent qui permettait aux convertis d'aller les fêtes de fin d'année avec ses parents pour ne pas les vexer. J'ai dit, subhanallah. Ça, c'est vraiment un kalam pur de djihl. Comme la dilemme qu'on a dit auparavant, il n'a rien compris, justement. Il n'a rien compris au procédé de l'alliance du désaveu. De toute façon, ces gens-là sont des gens de Ikhwan qui sont juste là pour la quantité et attirer les gens qui t'a faire des désobéissances. Et il y en a, lui, il est pas parmi les pires, il y en a des pires que lui. Il dit carrément, tu peux dire joyeux Noël, ce genre de choses. Lui, il a une forme de réprimande. Il dit non, c'est que c'est haram, mais bon, il fait exception pour les convertis. D'après lui. Et surtout, le point principal, qui est amené à la tomber dans ce genre de choses, c'est dhaf al-tawhid, la faiblesse dans le tawhid. Le tawhid est trop méconnu par les gens. Trop méconnu par les gens, car lorsque le tawhid il est compris, il est assimilé, et qu'il est appliqué, tout cela paraît évident et logique. Il y a même pas besoin de... Ce genre de livre n'aurait même pas lieu d'être écrit si jamais le tawhid était vraiment acquis. C'est des choses qui sont ce qu'il y a de plus évident. Subhanallah. Malheureusement, en cette époque, trop d'ignorance. Donc, il faut faire le rappel, car le rappel profite aux croyants. Non. Donc, on va s'arrêter là. Iza asabtu fa min Allah, ou iza akhtatu fa min nafsi min ash-shaytan. Nasallahu azza wa jalla an yajal hadha al-amal mubarakan wa nafi'an lil-muslimin. Naktafi bi hadha al-qadr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.